Audiomatic. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Now we must work. Sacrificed. C'est un duo provenant de République tchèque, soit Frontier Guards, qui amorçait cette transmission 029 de l'émission Audiomatique. La pièce At the End que nous entendions paraît sur leur plus récent album intitulé Interface. Vous êtes en compagnie des électronistes qui ont le plaisir de vous proposer une heure dédiée à la musique électronique. Nous désirons vous informer qu'à compter du mercredi 6 mai prochain, Audiomatique sera présenté de 17h à 18h. Si vous avez envie de réentendre l'émission ou de découvrir toutes les anciennes transmissions d'Audiomatique, nous vous suggérons de visiter notre page sur Facebook à facebook.com/audiomatique-cfou. Musicalement, c'est au tour du groupe brooklynois Small Black d'assurer la continuité à Audiomatique. We'll be right back. Nous terminions la séquence musicale avec le projet Drift mené par Mike Cadoux, qui faisait partie de Gridlock et qui œuvre également sous le pseudonyme Bitcrush. De son projet Drift, nous entendions la pièce X-11 de l'album Cell. Précédemment à Drift, il s'agissait du duo canadien Ghost Twin, originaire de Winnipeg, avec la chanson Chemical Wedding de leur album Here We Are in the Night. Et pour débuter, nous avions droit à la formation Small Black et la pièce Goons de leur premier album New Chain. Allons-y maintenant avec la formation Click Click et sa pièce What Do You Want? Bye. Thank you. Nous entendions avant la pause publicitaire une pièce issue de la collaboration entre trois artistes, soit Chris Carter et Fanny Cosi-Tutti, qu'on connaît comme anciens membres du célèbre groupe Throbbing Gristle. Ils sont accompagnés par Nikki Colt-Void de la formation Factory Floor. Donc ce trio, qui se nomme tout simplement Carter, Tutti, Void, se produit d'abord et avant tout en concert. L'album Live Transverse, duquel est tirée la pièce que nous avons entendue, se veut justement le reflet de ce à quoi l'auditeur peut s'attendre lorsqu'il assiste à l'une de leurs performances. La formation britannique Click Click ouvrait cette séquence avec What Do You Want From Me, une pièce tirée de son plus récent album paru en 2014. Le temps est maintenant venu d'entendre à Audiomatic Mimetic Kino. The songs that I choose are chosen very specifically because I have some sort of emotional connection with the lyric and the music moves me. Te văd și încerc să te înțeleg. als alles Mögliche gesagt. Mich geirrt, so wie du dich jetzt irrst. Thank you. Le groupe allemand Jacuzzi venait clore ce segment musical avec la pièce Watching You, remixée par Oliver Siebert sous le nom de Oliver S. Bass Junk Remix. La pièce originale Watching You se retrouve sur l'album Barbed Wire de Jacuzzi. Et en amorce de séquence, le projet du français Jérôme Soudan, Mimetic Kino, interprétait la pièce North Linka de l'album Lucius, qui est partagé avec le projet britannique Delphium. Pour terminer l'émission, on fait un saut à la fin des années 80 pour s'offrir une pièce de Data Bank A, le projet principal de l'artiste américain Andrew Zavakovats. Nous écouterons la pièce Bukowski's Woman, qui se retrouve sur l'album Salad Days, un album qui est sorti en 1989. Les électronistes qui vous remercient d'avoir prêté une oreille attentive à nos suggestions musicales pour cette semaine, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à compter de 18h. Prenez toutefois note qu'à partir du 6 mai 2015, Audiomatique sera présenté de 17h à 18h. Il y a toujours notre page Facebook si vous désirez en savoir davantage sur l'émission et surtout si vous désirez la réentendre. Vous trouverez notre page à facebook.com/audiomatique-CFOU. Restez sur les ondes de C'est fou car les audacieuses suivent dans quelques instants. Mais tout juste avant, voici Data Bank A et la pièce Bukowski's Woman.